Maximum du volume. On passe les fréquences et s'il y a du plus blanc, s'il y a de la friture, hein, on interprète en rien, on traverse le truc. Quoi. Ouais. On ne cherche pas à aller avec le voisin, on traverse le truc, nous chacun dans notre tube. Et c'est l'auditeur qui fait sa mixture et qui entend ce qu'il a. Thank you. Give me a little love.